following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fraîche Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir. Hey, this is Freddy. The guys are not there tonight, so that's just gonna be me. Tonight is gonna be a special show about women. We're gonna celebrate the International Women's Day, which is gonna be on the 8th, March 8th. And we're gonna listen to songs about women, parity, equality, some abuse that they've been going through, so through various songs. Then, in the middle of the show, we'll talk about the events. And I also wanted to remind you that on March 16th, it's going to be the KFAI Spring Pledge Drive. So we count on you. This radio station wouldn't exist without you, without listening, without contributing. So we really hope that you can help us. We'll have premium from the KFAI. We'll have premium from Bonjour Minnesota. So just a heads up. Allez, on y va. Now we're going to start with Marie Laforêt with a song called Marie Douceur, Marie Colère. Marie Soft and Marie Upset or Angry. It's the cover from the Rolling Stones called Painted Black. But basically she's telling that you better not mess with her because sometimes she gets upset. Then we're going to listen to L'Homme qui parle with a song called En Avant, very progressive, militant about the woman's rights. And then we're going to listen to the famous T with On Parle de Parité. It's kind of a little bit reggae, ragga, and parité is parity, it's, you know, equality. And they spend the song saying that, you know, a lot of women still have to work very hard on it. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'aiderai, jadis 100 000 fois sur tous les tons. Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse Marie colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles, sera plus du tout d'accord et sautera sur toi toute grippe dehors. Marie douceur aime bien chanter des ballades, mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prend garde. Marie colère adore les éclats de voix. Entre les autres filles et moi, Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère est maintenant là devant toi. n'est plus qu'un souvenir déjà. Si c'est la France, autant crever. Tous ces gars de mauvaise foi veulent lui passer la bague au doigt. Des belles promesses et des courbettes. Le 14 septembre, ce sera ta fête. Fidèle jusqu'à la mort, ils aimeront pour l'éternité. Lui feront un rempart de leur corps, qu'ils seront toujours des indignés. Mais elle connaît la vérité, dès qu'elle aura le dos tourné. Devant le feu, c'était le coq, ces impuissants baisseront leur froc. En avant, en avant. Pendu à tes lèvres jusqu'à la fin. En avant, en avant. Tous avec toi, on lâche rien. Pour construire le monde de demain, et s'il le faut, l'arme à la main. Messieurs, c'est l'histoire d'une fille qui a pas froid aux yeux. Elle avance le poing en l'air, pas prête à se laisser faire. C'est une fémène, une activiste, une ouvrière qui a la rage, une lesbienne mère de famille, et elle traversera les âges. Les bouches brandissent vos couleurs, les seins nus sur les barricades. Allez, courage, n'ayez pas peur, avec moi dans la parade. Je ne suis pas une fille sage devant l'éternel. Tu as tes lèvres jusqu'à la fin. En avant, en avant. Tous avec toi, on lâche rien. En avant, jusqu'à la victoire, si l'on vient. Pour construire le monde de demain, et s'il le faut, l'arme à la main. En avant, en avant. C'est pour routière en cabine. cuisinière, infirmière, jardinière, pâtissière, tapissière, biscoutière, joaillière, téléphoniste, machiniste. Aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, éthologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières. Costumière, couturière, façonnière, gantière, lingère, ménagère, guichetière, secrétaire, romancière, aventurière, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacée aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrice, créatrice, animatrice, opératrice, réalisatrice, productrice, éducatrice, monitrice, compositrice, cantatrice, ou galérienne, magicienne. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, électriciennes, mécaniciennes, aux comédiennes, pharmaciennes, aux musiciennes, pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, céréalières ou journalières, qui pour un travail égal à celui qui font le mal, la qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. It was Marie Laforêt with Marie Douceur, Marie Colère, then L'Homme Parle with En Avant, and Famous T with On Parle de Parité. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Jazz is an evolving language. The deep roots, sprawling branches. Representing each root and branch is a unique culture that amalgamated with a whole of it. Jazz diaspora is a reflection of this family tree. Loosely called jazz. Improvisation and soul searching in jazz, blues, funk, rock, world, and more. Come celebrate America's music in the world and the world's music in America with me, Corey Washington, every Saturday from 1 to 3 p.m. at kfai.org/FA2 or via the KFAI mobile app under the regular radio tab. Now we're going to listen to a band called 39 Femmes, 39 Women, and the name of the song is Debout les Femmes, Rise Up Woman. Then we're going to listen to Chantal Grimm with La Femme Libre, The Free Woman, and Jacqueline Valois with ovariotomy, where she's pretty much getting things done so she can't have babies anymore. She says it in a very funny way. Monsieur Chaumette au club lançait ses propos de calibre. Il est bête ce Condorcet qui veut la femme libre. Molière avait 100 fois raison, la Paris-Dondaine, la Paris-Dondon. Quelle tricote, ça suffit, Viridi, à la façon de Barbarie, mon ami. Bonaparte qui vint après leur fils monologue. Femme instruite à peu près n'est qu'une idéologue. Il faut la mettre à Charenton, la Paris-Dondaine, la Paris-Dondon. Qu'elle fabrique des conscrits biribi à la façon de Barbarie, mon ami. En 48 on reparla, il faut bien que l'on pose. Puisque nous y sommes, proclamons quelque chose. Les droits de la femme à Londres, la Paris-Dondaine, la Paris-Dondon. Les droits de l'homme, ça suffit, biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. En 1900, nos bons bourgeois remontent sur la table. Mesdames, vous avez des droits, ça c'est incontestable. Mais quant à l'application, la paridondaine, la paridondon, n'en parlons pas pour aujourd'hui, biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. Vous travaillez, c'est entendu, vous méritez salaire. Travailler n'est pas défendu à la femme, au contraire. Mais le salaire, qu'en fait-on? La faridondaine, la faridondon, ce sera pour votre mari, biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. Enfin, mesdames, voulez-vous trancher tous ces problèmes? Ne comptez jamais entre nous, jamais que sur vous-même. Portez culotte sans façon, la paridondaine, la paridondon. Portez le bonnet rouge aussi, biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. Je viens de me faire faire l'ovariotomie. Oh là là ma chère, quelle opération! Et comme t'es sûrement ma meilleure amie, je te griffonne si je vois mes petites impressions. J'avais d'abord peur que le docteur m'endorme, bien que ce soit une chose qui m'arrive souvent. Seulement d'habitude, je prends pas de chloroforme, je prends généralement dans les bains de Saint-Florent. Écoute, avant tout, il faut que je te dise, le médecin en chef est un homme charmant. Il s'est tout d'abord mis en bras de chemise et ça m'a rappelé mon premier amant. Seulement, ce médecin-là, c'est une autre affaire. Il a su tout de suite trouver le bon endroit. Et j'ai constaté qu'il connaît ma chère, vraiment son métier sur le bout du doigt. V'là que j'arrive maintenant à l'instant critique où l'on m'a retiré toutes mes illusions. C'est un sale moment, car rien de poétique, et qui vous procure une drôle d'impression. Fourrant ses gros doigts sur ma petite peau rose, le médecin en chef se met à me farfouiller. Bref, c'est le deuxième homme qui m'ait pris quelque chose, mais la première fois, j'ai pas tant crié. Enfin, à présent, c'est fini ma chère, et c'est pas trop tôt, sacré nom d'un chien. Mais puisqu'avec toi, je veux rester sincère, je dois t'avouer que dans le fond, je regrette rien. Maintenant, c'est réglé, grâce à cette aventure, je suis devenu kiff-kiff, un gardien de sérail. Je suis sûr que j'aurai pas de progéniture et sans accident, je ferai mon petit travail. Et puis, il y a encore un autre avantage, on n'est pas toujours très bien disposé. Une fois tous les mois, quelquefois davantage, on a beau vouloir, il faut se reposer. Tandis qu'à présent, vois-tu ma cocotte, grâce au résultat de cette opération, j'aurais plus vite fait d'arrondir ma pelote, puisque j'aurais plus jamais de mort de saison. La la la la la, la la la la la. It was 39 femmes with Debout les femmes. Then Chantal Grimm with La Femme Libre and Jacqueline Valois with Ovariotomie. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to Zizi Jeanmaire, who just passed away last year, with Je suis la femme, I am the woman. Then we're going to listen to two songs from Anne Sylvestre, who was very militant, with La faute à Eve, it's Eve's fault. And then the other song from Anne Sylvestre est La vaisselle, the dishes, like washing dishes. Avant moi, vous ne connaissiez pas la femme. Avant moi, vous n'étiez que des objets. Je suis la femme, celle que vous aimez, je t'aime. Je vous aime et je vous ai. Sur mon corps, que de doigts ont fait leur gamme. Sur mon corps, ils ont écrit son couplet. Je suis la femme, celle que vous chantez, je chante avec celui qui me plaît. Sur mes pas, un soir, mes amants en foule. Sur mes pas, se jetteront pour m'étrangler. Je suis la femme, celle que vous frappez, vos bras ne pourront que m'enlacer. À mes pieds que s'effondrent les fortunes, à mes pieds que s'élèvent les palais. Je suis la femme, celle que vous croyez, voilà. Je me couche et vous payez. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon est vite fait. Oui mais c'est la faute d'Ève, il n'a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs, elle était pas bonne, faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes, elle est lapin pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève, si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique, au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec trois bonhommes à la fois. Là c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa, pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles on est dégueulasses, paraît que ça nous est naturel. Et les garçons comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah! Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout change, et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier. Il balaye, et bientôt quelle merveille, il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde? Mais tout bouge, et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine, fait la plongée, il essuie. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde? Mais tout marche, mais ça marche, et voici qu'il ne se cache quand il reste à la maison. C'est Germaine qui ramène tout l'argent de la semaine, ce n'est pas contre raison. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde? Mais il l'aime, mais il s'aime, et ce n'est pas un problème de savoir qui va porter la culotte ou bien les bottes. Et le seul drapeau qui flotte, c'est une tête d'oreiller. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde? Mais voici que sonne l'heure de traîner l'enfant qui pleure vers l'école au banc de bois. L'enfant de Germaine et Jules, sans y penser, articule dans les livres d'autrefois. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde? Tout recule, et plus tard le petit Jules aura des enfants aussi, qui derrière leur cartable dans l'école imperturbable épelleront ces niaiseries. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde? Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Oh ben non. It was Zizi Jeanmaire with Je suis la femme, then two songs from Anne Sylvestre. The first one is La faute à Eve, and the second one was La vaisselle. Our supporters help power the content you love. Help fuel our frequencies by becoming a monthly donor today at kfai.org/donate. Now we're going to listen to one more song from Anne Sylvestre, called Une sorcière comme les autres, a witch like the others. Then we're going to listen to Marie-Josée with a song called Le Monsieur du Métro, the gentleman in the metro, who really is being an asshole and is harassing this person, this woman. Then Jacqueline Lemay with La moitié du monde est une femme, half of the world is a woman. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émorcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnu, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorant, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin, vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut, vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui sait d'où se défend, c'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou bien la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Parmi la foule automatique dans le métro, il me tenait d'affreux propos pornographiques auxquels rien je ne comprenais. En expertise digitale. Une main chercheuse et discrète sur ma colonne vertébrale. Tapotait une musiquette. Je savais qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Un souffle puissant d'asthmatique et malodorant par surcroît m'obligeait à une gymnastique pour m'éloigner du maladroit. À me voir frétiller de la sorte, une dame en courroux s'écria pour la bagatelle de la porte. Elles sont championnes à cet âge-là. Je savais qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. En me retournant sans douceur pour insulter le téméraire, je m'aperçus avec stupeur qu'il était presque octogénaire. C'était un barbu abondant et le visage débonnaire qu'on voit sur les billets de 500 lui ressemblait comme un vieux frère. Je compris qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Mais au diable les convenances que m'enseignait ma maman. Peut-être qu'en cette circonstance, elle en aurait fait tout autant. J'apostrophais le vieux butor avant de franchir la portière. Souvenez-vous d'Hugo Victor, relisez l'art d'être grand-père. Du monde est une femme qui jusqu'ici avait caché son âme. Elle parle aujourd'hui encore trop peu, mais demain je vous dis, c'est dans ses yeux que vous verrez une flamme. La moitié du monde est une femme, déjà bientôt plus elle ne réclame ce qui lui qui est son droit. Il est bien fini le règne de l'unique roi. L'autre côté de la terre passe à la lumière. La moitié du monde est une femme. La moitié du monde est une femme. Attendait en silence, aujourd'hui retrouve la confiance et le goût de vivre son propre destin et le goût de suivre son propre chemin, de prendre part à tout ce qui vient. L'avenir du monde est une femme, une femme plus forte que les hommes. was Anne Sylvestre with Une sorcière comme les autres, Marie-Josée with Le monsieur du métro, and Jacqueline Lemay with La moitié du monde est une femme. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now, we're gonna listen to Francesca Solville with Demande aux femmes, Ask the Woman, then Hélène Martin with Liberté Femme, Freedom for Women, and Gauvin Serre with Excuse-moi, mon amour. I am very sorry, my love. And he's spending the song apologizing for all the assholes that she's running into during the day, whether it's outside in public transportation or at work being victim of bad jokes or that sort of things. Elles sont nées pour faire rêver dans les magazines et dans les vitrines. Les femmes ont tant de frivolité, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer et faire la vaisselle, vider la poubelle. Montant d'habileté, d'habileté, demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour enfanter, et savent dès l'enfance que c'est dans la souffrance. Des femmes ont tant de générosité, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour travailler, et faire chacune deux journées dans une. Les femmes ont tant d'agilité, d'agilité, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour lutter, quand c'est leur colère qui remue la terre. Les femmes aussi savent lutter, demande à Rosa et à Angela, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle, demande à Guylaine et puis à Gisèle. De vous chanter, voici le temps, mais je me trouve étrangement intimidée. Et pour mieux vendre la vérité, de quelle manière vais-je m'y prendre? Par le grinçant ou bien le tendre? Il m'était venu le désir de vous léguer mon avenir, cela ne sert. Pas encore fait, vous léguer ce que déjà vous possédez, ce que peut-être vous possédez. J'ai cru en vous autant qu'en moi, j'ai cru en vos chants, vos émois. Nous avons pris, qu'on se le dise, nous avons pris le même train de marchandises, des fabricants de roublardises. Liberté femme, liberté flamme. Je lègue à l'ami Francesca cette énergie que je n'ai pas, et elle s'en fout, la seule ville ayant beaucoup, beaucoup de force qui fusille, bien trop de force qui fusille. Et je laisse à Anne Sylvestre mon solide appétit terrestre, dont elle n'a cure car par travaux et par nature, elle a, je crois, tout ce qu'il faut. Elle a presque tout ce qu'il faut. Je donne à Colette Magny tout le militant de ma vie. Donc croyez-moi, elle se balance, nous n'avons pas le même cri, mais bienveillance. Avons-nous de la bienveillance? Liberté femme, liberté flamme. Ta belle voix dont tu nous sèves, qu'en fais-tu, amie Christine Sèvre? Où l'as-tu mise? Dans quel bistrot, dans quelle remise? T'as mise ton guerriero? Est-ce le droit d'un guerriero? On ne tutoie pas Barbara, elle est fière la baccara. Et je cède à ce beau diable le roussi d'eux. Nos cornemuses un peu semblables, nos cornemuses inconciliables. Dis-moi un peu, la Morelli qui toujours chante la lali des cœurs perdus. Dis si je peux, comme le pendu, t'écrire la chanson des gueux. Chanterais-tu mon chant frileux? Liberté femme, liberté flamme. Tu n'es pas chanteuse, Angela, mais le vrai est dans ce chant-là que tu défends, que tu inventes, que tu apprends à tes copains de la tourmente et à nos frères de la tangente. Je te lègue ma résistance et j'y ajoute ma constance et le merci qui te revient sans ironie. Tu me donnes le goût du bien quand prédomine la rime en rien. Item à Lucien des nuits. Et je me souviens du jour où l'ami Lucien nous présenta, et ce fut bien le plus fameux etc. de l'amitié sans errata. Liberté femme, liberté flamme. De chapeau, mes héroïnes, qui différemment me fascinent, Nina Simone et Suzanne Flon, encore Simone. Mais Signoret fait pas légion, Marthe Robert, toute version. Et celle à ne pas oublier, qui avant moi se sont lassées, de Louise Labbé à Louise Michel, Bessie Smith et tous les blues qui portent des ailes. Hommage à la franche pucelle. Et femme, femme, j'en oublie, pardonnez-moi, vous, mes amis, des mauvais jours, les trottes rues à faire l'amour. Je vous chante et je vous salue, puisque sans vous, rien ne va plus. Liberté femme, liberté flamme. Je pense à toi, mon amour, quand tu fouilles ton placard, quand t'hésites tous les jours entre un jean, une robe noire. Tu te poses la question, est-ce qu'on va m'emmerder? Et c'est le genre de question que tu devrais pas te poser. Je pense à toi, mon amour, quand tu marches dans la rue. Tu fais semblant toujours d'avoir rien entendu. Et t'accélères le pas, on te siffle, on t'insulte. Et ça joue les gros bras, et ça se dit adulte. Et ça se dit adulte. Je pense à toi, mon amour, quand tu rentres en métro. Avec tous ces vautours, aux instincts d'animaux. Je voudrais prendre ta place, que t'es plus à subir. Ces regards dégueulasses, qui t'empêchent de dormir. Je pense à toi, mon amour, mais je suis bien impuissant. La connerie court toujours, et elle me glace le sang. Et dans quel monde vit-on pour qu'une femme se demande ce qu'elle peut porter ou non sans devenir un bout de viande, sans devenir un bout de viande. Excuse-moi mon amour pour ces heures de dilemme, tu trouves pas ça trop court, est-ce que je la mets quand même? La liberté d'une femme est à jamais absente. Dès lors qu'elle s'interdit d'être une femme élégante. Excuse-moi mon amour pour cette flopée d'embrouilles. Ça cache presque toujours un sacré manque de couilles. Ça pourrait être leur sœur ou leur fille sur cette route. Quand on insulte une femme, on les insulte toutes. On les insulte toutes. Excuse-moi mon amour d'être de la même espèce que ces coqs de basse-cour, que ces sales brutes épaisses. Mais la tendresse d'une femme sera toujours plus belle que la bêtise infâme des hommes sans cervelle. Excuse-moi mon amour, excuse-moi pour toutes celles, celles qui flippent au détour d'une sombre ruelle. La liberté d'une femme, qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde. La liberté d'une femme, ça vaut tout l'or du monde. It was Francesca Solville with Demande aux femmes, then Hélène Martin with Liberté Femme, and Gauvin Serre with Excuse-moi mon amour. March 8th is International Women's Day. Tune in to KFAI to hear Self-Care for the Soul and join me, Abani, as I take you on my ongoing journey of self-compassion and self-acceptance. Listen online at kfai.org. And now we're going to talk about the events. There's quite a few, and they're all online. So the first one is the virtual Ciné Salon organized by the French Institute Alliance Française and a movie festival about Paris, and each week it's a different movie. This week, from Tuesday, March 2nd to Monday, March 8th, two or three things I know about her. Deux ou trois choses que je sais d'elle. It's a movie from 1968 from Jean-Luc Godard, and you can get more information at fiaf.org. You go to the event section. There's a fee if you're not a member. Then, on Wednesday, March 3rd, at 4 p.m. Central, there's going to be the movie Indochine. And you can get the link at afusa.org and in the event. It's the movie with Catherine Deneuve, and it was written by Eric Orsena, which I had a lot to see in the Twin Cities. But there's also Vincent Perez and Jean Yann. The movie is set in French Indochina during the 1930s to the 1950s. Then there's going to be the Boston French Film Festival. So the best is to go to bostonfrenchfilmfestival.org. I think it's .org. It's organized by the French Cultural Center Alliance Française of Boston and Cambridge. And the tickets started to be on sale on February 24th. And there's 10 movies. So check it out. Then, also organized by the French Cultural Center, Alliance Française of Boston and Cambridge, on Thursday, March 4th at 5 p.m. Central, there's an event through Zoom called Le Mois de la Francophonie 2021 Virtual Launch Celebration, mix and mingle virtually with Boston's francophone institutions. So the link is frenchculturalcenter.org, and you can go to their events to know more about it. Then, the Alliance Française of Seattle, which is at afseattle.org, has an event with different dates, and it's Les Histoires de Sophie, and it's every Thursday at 4:30 p.m. and it only lasts an hour. And Les Histoires are some stories for kids, and these stories are geared on March 4th to 6 to 8 years old. So for more information, afseattle.org. It's also a Facebook event that we have on our Facebook page. On Thursday, March 4th at 12 p.m., there's going to be a presentation of the Château de Chantilly. It's organized by the Alliance Française of Chicago. It's a Facebook event, so you can go to our Facebook page or theirs, or on their website, af-chicago.org. On Thursday, March 4th, between 6:30 and 7:30 p.m., and I believe it's Eastern, Nantes France Shipyards. The Alliance Française of Jacksonville is organizing, and Jacksonville is a sister city with Nantes. And there's going to be a lecture by Richard Schillhouse. This is an event open to the public, and there is no fee. Because it's via Zoom online and they don't put a link, there is an email to contact them. It's contact at AF, for Alliance Française, Jacksonville, at the city, .org. Then on Friday, March 5th, at 10 a.m. Central, the French Cultural Alliance Française of Boston, en français, is doing a virtual private tour of Château de Compiègne and live Q&A. There's a cost for the event, but anybody can attend. And there's a discount for the Alliance Française members. Then, on Friday, March 5th, at 6 p.m. Central, Le Mois de la Francophonie opening celebration, Les Antilles Françaises. It's organized by the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul. For more information, you can go on their Facebook page or our Facebook page, Destination Martinique and Guadeloupe. Guillaume Lacroix, Consul General of France in Chicago, will give a welcome as we discover history, geography, and language of these two departments in the Caribbean, as the donation suggested. The event will be in English. Then, on Saturday, March 6th, at 4 p.m., there is Véronique Tadjo in the Company of Men book event. So, Véronique Tadjo is an author, and she wrote a novel called In the Company of Men. It's organized by the Alliance Française of Seattle and Elliott Bay Book Company. So, because it's a Facebook event, I recommend that you go to our Facebook page, Bonjour Minnesota, or their Facebook page, and look at the event. And it seems like there's a cost, but I'm not sure. On Sunday, March 7th, there is an event called L'Humour chez Jacques Tati. Jacques Tati, famous, you know, director. It's at 4 p.m. Central, and it's organized by the Alliance Française du Maine. Discover the humor in Jacques Tati's film, Monsieur Hulot Holidays, Playtime, Mon Oncle, watch some extract and discuss the gag precision, etc., etc. For more information, I'd recommend that you go to afusa.org. Then, on Sunday, March 7th, at 1 p.m. Central, André Nermand présente Molière, décidément contemporain. It's organized by the Alliance Française of St. Louis, and it's a Facebook event, so you can go to our Facebook page or theirs. You can join them for an exceptional online event with the talented actor and director André Nermand, and he'll share his knowledge of the great French playwright Molière. It's a Zoom event, and it's going to be in French, and there is a fee if you're not a member of the Alliance Française. Then on Sunday, still March 7 at 1 p.m. Central, there is a cine club with La Cour de Babel. It's organized by the Alliance Française of Chicago. It's a Facebook event. And this movie, La Cour de Babel, will be about Julie Bertuccelli's heartwarming documentary about a year in the life of immigrant students in Paris 10th arrondissement. The film can be rented on Amazon Prime or iTunes. Then, an event on March 8th at 1 p.m. CST. It's organized by the Alliance Française of Jacksonville, but it's en français, and it's called La Francophonie Around the World with Gaëlle de Maisonneuve. Looks pretty interesting. And if you want more detail, you can go to afusa.org. On March 8th, still with the Alliance Française of Seattle, at 8 p.m. CST, French Like Moi, a Midwestern in Paris. And it's in English, And it is the book from Scott Dominic Carpenter about his hilarious new memoir when Scott Carpenter moves from Minnesota to Paris. We had him on our show and he went through a lot of the Alliance Française in the US. So if you had not had a chance to hear about his book, you get your chance. And you can also get the information on our Facebook page because there's a Facebook event. Then the French Cultural Center, Alliance Française of Boston and Cambridge, is organizing educational workshop for members, Femmes Pionnières de l'Art Moderne en France. It starts at 6:30 p.m., but it's Eastern, so that should be 5:30 Central. And it's online via Zoom, and there's a cost. And the person who's doing the workshop is Lucille Chorin à Blénédo. For more information, you can go to the FrenchCulturalCenter.org and go to their event section. Et voilà, c'est fini. Now back to the music. Now we're going to listen to Cœur de Pirate with Femme Like You, a Woman Like You. It's originally a song from Julien Doré. And then we're going to listen to Vianney with Les Filles d'Aujourd'hui, Today's Girls. And it's featuring Joyce Jonathan. Then another song from Famous T is La Femme du Soldat Inconnu, The Wife of the Unknown Soldier. And they are talking about all the sacrifices that the women are asked to make when they stay home and their husband are going to war. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Quand tu chantes, j'oublie. J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes son à ma vie et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ. Là où je suis partie, nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe quand on est sur la scène et qu'on brille sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta soul dans mes veines, que mon vague coule dans les tiennes. Femme, t'es belle et quand tu chantes, t'es sexy. Flash sur elle, rockstar baby. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Complice, on leur donne un bon son live. Soulmate, à la Diddy, Mary J. Blige, glamorous. Ton style et ton charme, t'es fabulous. Un délice pour un mec à dame. Baby, baby, si tu savais comme je t'aime. Baby, baby, crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Plus tu chantes, plus je glisse sur la pente, je perds la tête. Deux vies, deux voix qui se rencontrent. Deux histoires qui se racontent. Une chanson pour le dire. Y'a les mots, les images pour le décrire. Une belle rencontre à l'ancienne, prends un flash. Y'a de la magie sur scène, le rideau tombe, c'est terminé. Une belle collabo, des mots sur une feuille pour s'en rappeler. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, donne-moi ta show, ton rock'n'roll. Je veux une femme like you, un homme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Les gens de mon temps s'enlacent Et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant avant d'écrire le jour suivant. Et volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuit. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Oui. Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps. On se défile. Dans le vent, comme on part un sourire entre les dents. Les femmes ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Des honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Vitam éternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du sein d'inconnu. Ad vitam éternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du sein d'inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi pendant des années, je n'ai rien vu venir. Pourtant on meurt aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots de confiture. Je l'ai faite ma guerre, mais entre quatre murs. C'était une autre guerre avec notre armure. Je l'ai fait traverser des landaux à toute heure. Y'a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Une guerre à donner, la vie que de la prendre. Une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant. Et c'était pas la fête, tout le temps. Il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu. Déshonneur à la loi, et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam. It was Cœur de Pirate with Femme Like You, Vianney with Les Filles d'Aujourd'hui, featuring Joyce Jonathan, and Famous T with La Femme du Soldat Inconnu. Now we're going to listen to M. Tatiana with La Garce, and I'm not sure how to translate that. It's someone, it's a woman who's like vicious and vengeful, sometimes, and sometimes with reasons. Mrs. Yeye with Femme, a woman, and Lerita Mitsuko with Femme de Moyen Âge, woman of middle age. Je suis un être un peu cocasse et plus encore. Une petite garce si cynique qu'elle en mord. Mon charme est ma plus grande force, mon humour, mon écorce. J'achète les âmes les plus amorphes et les plus folles. Mais je crois à l'amour et aux idylles. Même si c'est rapide, même si parfois c'est subtil. Un presque rien peut devenir très intime. Pour une semaine, peut-être un jour. Disons une heure ou un centime. Pardonnez-moi d'être femme, emplie d'amour ou le désir. Passons plein regret des jours. Pardonnez-moi pour ce star qui tour à tour s'empêche au chevet de votre liture en l'amour. Je suis une fleur qui depuis peu s'en est voulu d'être tombée amoureuse d'un être inconnu. Il était grand et tout puissant, tout du bel amant. Mais il était plus cruel que n'importe quelle sotte. Mais je crois à l'amour et aux idylles. Même si c'est rapide, même si parfois c'est futile. Un presque rien peut devenir très intime. Dans une jaguar, peut-être une folle. Content quand ils sont nus, les yeux pendés et déplumés, je l'ai laissé sur la banquette de sa voiture sans éclair. Pardonnez-moi d'être femme, de caractère douce et délire, mauvaise perdante et rancunière. Pardonnez-moi d'être la casse. des femmes qui disent ce qu'elles pensent, mais pas trop souvent ni trop fort. On veut des femmes qui savent ce qu'elles veulent, mais c'est mieux quand elles sont d'accord. On veut des femmes qui aiment les hommes, mais surtout pas trop à la fois. On veut des femmes qui aiment les femmes, seulement devant la caméra. On veut des femmes indépendantes, mais qui demandent la permission. On veut des femmes intelligentes, mais demandent des explications. J'entends tout. De ma voix. Parfois j'ai l'impression qu'être une femme n'est pas grand chose de flatteur. Quand je vois les hommes s'insulter de mots féminins quand ils pleurent. On ne s'intéresse à nos besoins que pour des idéaux racistes. Le voile est tombé, je vous rassure, c'est les racines pour leurs racines. J'entends tout. Visage, dernier It was M. Tatiana with La Garce, Mrs. Yeye with Femme, and Lerita Mitsuko with Femme de Moyen Âge. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Patricia Cass with a song called C'est les femmes qui mènent la danse. It's the women who are leading the dance. Then Josette Noro with Wow Menopause, which stands for menopauses. And then La Femme, the band, singing a song called La Femme, the woman. Sa tête. J'ai comme religion de ne pas trop me poser de questions. C'est les femmes qui mènent la danse dans leur vie et dans leur cœur. C'est les femmes qui mènent la danse, qui ont les clés de leur bonheur. L'étoile se lève, illumine la nuit. On a inventé la transe lorsque nos hanches balancent. On enflamme les sens pour une vie plus intense. C'est les femmes qui mènent la danse dans la vie. J'ai des bas, j'ai chaud, j'ai froid, je bouge, je suis marabout, je suis à bout, j'en perds des bouts. Je me sens tout croche, je me trouve moche, une vraie marâtre acariâtre, pleine de piquant, en dehors, en dedans, approche-moi pas, pis touche-moi pas. Woman of Oz. pas dormi depuis des nuits, je m'endure plus, je me reconnais plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens que je dérive, c'est pas moi qui mène, c'est l'estrogène. Maudite hormone de testostérone, le cheveu aminci, le poil durci, la poitrine se débine, la vue baisse, pis on engraisse. Bout de nerf, je sais plus quoi faire. Je voudrais me cacher, je sais pas où aller. Je me sens coincé, je me sens rocher par le sablier qui commence à se vider, par le tablier que je veux plus porter. Y a trop de chaînes qui m'enchaînent. Peur de vieillir, peur de mourir. Que mon mari m'aime plus, que les hommes me regardent plus. D'être mise à l'écart, mise au rencard, dans un hospice qui sent la pisse, dans un mouroir sans dignité, sans espoir. Je veux pas gâcher ces belles années, être mal luné, mal à manger. Je viens de commencer à me réveiller, je veux récolter ce que j'ai semé. Ménopause, même si je m'oppose, ça change pas grand chose. Si c'était pas ça, ce serait autre chose. Y'a pire que ça, faut que je m'y fasse. C'est une mauvaise passe, pas une impasse. Maudite ménopause! Was Patricia Cass with C'est les femmes qui mènent la danse, then Josette Noro with Whoa Menopause, and La Femme with La Femme. Join KFAI on Monday, March 8th as we present 24 hours of special programming to celebrate International Women's Day. Hear the stories and music of women from the Twin Cities and around the globe. Tune in at 90.3 FM or online at kfai.org. Now we're going to listen to Scheim with Femme de Couleur, Woman of Color. Then we're going to listen to Shia with Si J'étais un Homme, If I Was a Man. And she's talking about all the things that she would be able to do, being rude and things like that, that everybody would excuse. Then we're going to listen to Lam with Si les femmes menaient le monde, if the women were running the world. Comme jamais tu ne parles à ta mère, tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle.

It was Chime with Femme de Couleur, Sheila with Si j'étais un homme, and Lam with Si les femmes menaient le monde. Now for the last série, we're going to listen to Chimène Badi with Juste une femme, Only a woman, and Camélia Jordana with Femme, a woman. Le monde se réveille et je ne l'attends pas. Un nouveau jour se lève et pas de vie dans moi. Il ne me manque rien, ce n'est pas un enfer. Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère. Les années passent et les saisons défilent. Leurs questions me lassent, laissez-moi tranquille. Pourquoi c'est si grave si je ne veux pas en faire? Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère. Et quand je vois le monde, je ne trouverai jamais le sommeil. Si je devais surveiller mon ombre, il ne me manque rien, ma vie est déjà si belle. Alors je ne rentrerai pas dans la ronde. Oh là là. Je n'aurai pas de regrets, je ne me sens pas coupable. Je suis déjà comblée, deux assiettes à ma table. Je vous laisse la poussette, les biberons et toutes les premières. Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère. Et puis toutes ces remarques, ces regards, ces avis, laissez-moi être libre de ne pas donner la vie. Pourquoi c'est si grave si je ne veux pas le faire? Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère. Et quand je vois le monde, je ne trouverai jamais le sommeil. Si je devais surveiller mon ombre, il ne me manque rien, ma vie est déjà si belle. Alors je ne rentrerai pas dans la ronde. Pour moi y a pas de problème, je suis libre comme le vent, heureuse et moi-même. Et quand viendra le moment où le temps qui passe en mêle, je leur répondrai sûrement. Et quand je vois le monde, je ne trouverai jamais le sommeil. Si je devais surveiller mon ombre, il ne me manque rien. Ma vie est déjà si belle, alors je ne rentrerai pas dans la ronde. Prenons les armes, il est temps.